c'est ma faute. Oh baby, c'est ma faute. Je me voyais à genoux en train de chanter pour toi. Je suis dans Gouma. Oh baby, toi t'étais mon combat, nana. Maintenant que tu n'es plus là, je peux plus chanter pour toi. Et t'auras beau me faire croire que t'étais in love, je crois plus au alors. Nanana, je crois plus au alors. Nanana, j'aurais pu décrocher la lune juste pour toi, love. Je crois plus au alors. Nanana, je crois plus au alors. Oh, abîmé, oui, tu m'as abîmé, oui. L'amour, c'est pas magique. Ils ont fini par avoir ce qu'ils voulaient.